Au grand étonnement de Sylvie née, la petite Fadette revient le voir le lendemain et l'assure de son amitié pour lui. « Allons, Sylvain, lève-toi, mange, cause, promène-toi et dors, » dit-elle. « Voilà mon commandement pour aujourd'hui. Demain, tu travailleras. »« Et j'irai te voir, » dit Sylvie née. « Sois, » dit-elle. Elle s'en alla en le regardant d'un air d'amitié et de pardon qui lui donna soudainement la force et l'envie de quitter son lit de misère et de fainéantise.